On se mit en marche. On avança dans un couloir. Subitement, on fit halte. L'obscurité était épaisse. Il y eut un froissement strident dans une rainure, et Gwynplaine eut subitement devant les yeux un morceau de jour carré. Et ce qu'il aperçut était effroyable. Au milieu d'une cave, quatre colonnes basses et difformes soutenaient un porche lourdement ogival. À la clé de voûte du porche pendait une lanterne de cuivre. Entre les quatre piliers, précisément au-dessous de la lanterne, à l'endroit où il y avait le plus de lumière, était appliquée à plat, sur le sol, une silhouette blanche et terrible. C'était couché sur le dos. Quatre membres, se rattachant au torse en croix de Saint-André, et tirés vers les quatre piliers par quatre chaînes liées aux pieds et aux mains. C'était nu. C'était un homme. Tout à coup, il entendit un râle. Ce cadavre était vivant.